prisonnier de la tour s'est tué ce matin. Grand-mère, nous n'irons pas à la messe demain. Il s'est jeté de la tour en me tendant les mains. Grand-mère, il m'a semblé que j'avais du chagrin. Si le roi savait ça, Isabelle, Isabelle, si le roi savait ça, à la robe de dentelle, vous n'auriez plus jamais de roi, Isabelle, si le roi savait ça. Le prisonnier de la tour était mon seul ami, grand-mère, nous n'irons pas à la messe aujourd'hui. Il était mon seul amour, la raison de ma vie, grand-mère, et ma jeunesse est éteinte avec lui. Si le roi savait ça, Isabelle, Isabelle, si le roi savait ça, à la robe de dentelle, vous n'auriez plus jamais de roi, Isabelle, si le roi savait ça. Le prisonnier de la tour chaque soir m'attendait. Grand-mère, nous n'irons plus à la messe jamais. C'est un péché que l'amour et le monde est mal fait. Grand-mère, on a tué mon amant que j'aimais. Si le roi savait ça, Isabelle, Isabelle, si le roi savait ça, à la robe de dentelle, vous n'auriez plus jamais de roi, Isabelle, si le roi savait ça. Le prisonnier de la tour n'aura pas de linceul, et rien, rien qu'un trou noir où s'engouffrent les feuilles. Mais moi j'irai chaque jour pleurer sous les tilleuls, et rien, pas même le roi n'empêchera mon deuil. Si le roi savait ça, Isabelle ne pourrait que pleurer avec moi, car il aimait une belle qui n'était pas pour un roi. Et la belle Isabelle, c'était moi.